Maya ou Kendou. Bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras dans mes bras. Vas-y, bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras moi. Maman, papa, c'est elle que je veux. Madame, monsieur, c'est votre fille que je veux. Finir ma vie près de toi fera de moi un homme heureux. On m'a dit fais attention, les sentiments c'est dangereux. Mais je suis sûr, car elle guérit mes blessures. Quand tout va mal, c'est la seule qui me rassure. Je ne peux pas lui dire adieu. Les épreuves de cette vie, on les affrontera à deux. Et j'essaie de me ranger, de manger dans l'aile. Je raccroche au nez quand la bébé m'appelle. Je suis désolé ma belle, même si je sais que si je bête, on t'assumera ma peine. C'est elle que je veux, ça y a aucun doute. C'est elle que je veux, ça y a aucun doute. Bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras dans mes bras. Vas-y, bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras moi. La go m'a envoûté, elle me fait douter. Elle sait que j'ai tout cassé, comme un mec dévoûté. Son cœur il est sucré, en excès cholestérol. Ceux qui te cholestérol, t'es là que par la tête. Mère, elle sait qu'elle est bonne sa mère. C'est pour ça que mon cœur s'emmerde. Elle m'a eu, je peux pas vivre sans elle. Je prends mon envol, elle va me couper les ailes. Moutema, moutema. Et quoi il a ma belle. Moutema, moutema. Bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras dans mes bras. Vas-y, bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras à moi. Vas-y, bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras dans mes bras. Vas-y, bon, bon, pourquoi tu fais la bête? Un jour tu seras à moi. C'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Bon, bon. Un jour tu seras dans mes bras. Vas-y, bon, bon.